بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ها نحن في الدرس الثاني عشر من الشرح على كتاب الصلاة من عمدة الأحكام. Nous sommes donc au 12e cours dans l'explication du livre de la prière tiré du livre عمدة الأحكام. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. Selon Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, qui dit « ont attesté auprès de moi des hommes qui sont agréés, et le plus agréé d'entre eux, Omar, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'accomplir la prière après le subh, donc après le subh, le fajr, jusqu'à ce que le soleil se lève. » Et après l'asr, jusqu'à ce que le soleil se couche. فهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وجاء أيضا عن كثير من الصحابة كما ذكره المؤلف في المتن. Et donc ce hadith a été recueilli par Al-Bukhari et Muslim dans leur recueil authentique et il a été rapporté de plusieurs des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme l'a cité l'auteur dans le livre de base Umdat al-Ahkam. Wal hadith muta'alliqun bil awqati al-manhiyyi 'anha aw al-manhiyyi 'an as-salati fiha. Et donc ce hadith est lié aux moments durant lesquels il est interdit d'accomplir la prière. Les moments durant lesquels il est interdit d'accomplir la prière. ففيه النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب كما سمعتم. Et donc il y a dans ce hadith l'interdiction d'accomplir la prière après le fajr jusqu'à ce que le soleil se lève et après l'asr jusqu'à ce que le soleil se couche, comme vous l'avez entendu précédemment. فذهب الأئمة الأربعة إلى منع الصلاة في هذين الوقتين أما الظاهرية فقالوا بالجواز. Et donc les أئمة الأربعة Abu Hanifa, Malik, Al-Shafi'i et Ahmed, ils voient donc qu'il est interdit, ils voient l'interdiction d'accomplir la prière donc à ces moments-là, à ces deux moments-là, après le Fajr jusqu'au lever du soleil et après le Asr jusqu'au coucher du soleil. Tandis que Al-Zahiriya, eux, ils voient que c'est permis. Ils voient que c'est permis. Wa al-qawlu al-rajih huwa ma dhahaba ilayhi al-jumhur lil adillati al-wadiha fi hadha al-bab kama huwa hadithuna al-yawm. Et donc la vie la plus juste est la vie vers laquelle a penché donc al-jumhur, la majorité des savants, les quatre écoles qu'on a citées précédemment, et qui s'appuient donc sur des preuves qui sont claires. Comme le hadith que nous avons aujourd'hui, l'interdiction d'accomplir la prière après le fajr jusqu'au lever du soleil et après l'asr jusqu'au coucher du soleil. ثم اختلف الجمهور يختلفوا في ما هي الصلوات التي تنهى عنها أو تنهى عن فعلها أو ينهى عن فعلها في هذه الأوقات. Quelles sont les prières qui sont interdites durant ces moments-là. Et donc, ils sont d'accord que ces moments-là, c'est des moments d'interdiction. Mais quelles sont les prières qui sont interdites? Là, ils ont divergé. Fekala Abu Hanifa, bitahrimi kulli salawat, el fara'id wa nawafil, illa asr al-yawm. Abu Hanifa, il dit que toutes les prières sont interdites à ce moment-là, ces deux instants-là. Les prières obligatoires, ainsi que les prières surérogatoires, sauf le asr du jour. Ça veut dire quoi le asr du jour? Ça veut dire quoi, Asr al-Yawm? Ça veut dire quoi, Asr du jour? Exemple, donnez-moi un exemple pour la Mas'ala, pour qu'on comprenne bien. Le Asr du jour. C'est-à-dire comme aujourd'hui. Et donc, c'est-à-dire que la personne, et donc ici, l'interdiction, c'est l'interdiction de prier après l'Asr. On est d'accord. À la mosquée, les gens, ils ont prié l'Asr. Toi, tu n'as pas prié. Tu n'as pas prié. Abu Hanifa, et donc il voit qu'il est interdit d'accomplir quelconque prière, sauf le Asr d'aujourd'hui. Donc là, tu es entre l'Asr et le Maghreb. Les gens, ils ont déjà prié l'Asr. Ils sont rentrés dans le temps d'interdiction. Mais toi, tu peux prier l'Asr. Pourquoi ? Prière obligatoire. Et par rapport à un hadith qu'on verra tout à l'heure, on l'a déjà vu ce hadith, mais on va le reciter tout à l'heure, Inch'Allah ta'ala. Tayyib. Falaysa lil-insan an yaqdi nafilat al-fajr ba'd al-fariḍah. Et donc, selon Abu Hanifa, la personne, elle ne peut pas accomplir la nafila, la prière surérogatoire du fajr, après avoir accompli l'obligatoire. C'est-à-dire que tu rentres à la mosquée le matin, après l'adhan du fajr. Tu rentres à la mosquée, on est en train de prier. Déjà, la prière obligatoire. Tu rentres avec nous, tu pries. Tu n'as pas accompli la prière surérogatoire. Selon Abu Hanifa, tu ne peux pas, après la prière du fajr, la prière obligatoire, tu ne peux pas rattraper la prière surérogatoire que tu n'as pas faite. Tu dois attendre après Shuruq. Entre le lever du soleil et la prière du Fajr, tu ne peux pas rattraper cette prière obligatoire. Selon l'avis de Abu Hanifa, rahimahullah. Bel, لو أنه لم يصلي الفريضة مع الجماعة ينهى عن القضاء. Plus encore, s'il n'a pas accompli la prière obligatoire, il ne l'a pas faite, et que les gens l'ont déjà faite, ils sont rentrés dans le temps d'interdiction, c'est bon, tu ne fais pas. Tu dois attendre après. Pourquoi ? Parce que là, tu es dans un temps d'interdiction. Tu es dans un moment d'interdiction. Pourquoi est-ce que Abu Hanifa, il a fait la distinction entre le Fajr et l'Asr ? Allahu a'lam. Ici, il a fait la distinction entre le Fajr et l'Asr. Il te dit, pour l'Asr, tu ne l'as pas fait, les gens l'ont fait, tu peux faire. Pour le Fajr, tu ne l'as pas fait, les gens l'ont fait, tu ne fais pas. Et donc, il voit que tu ne peux pas rattraper. Jusqu'à après. Parce que là, on est dans un moment d'interdiction. وَهَذَا الْقَوْلُ مَرْجُوحُ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ رَكَعَةً مِنَ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْفَجْرِ مَنْ أَدْرَكَ رَكَعَةً مِنَ الْفَجْرِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْفَجْرِ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكَعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, donc cet avis, excusez-moi, cet avis, il est faible. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui accomplit, qui réussit à accomplir une unité de prière du Fajr avant que le soleil ne se lève, il aura donc atteint, il aura pu donc atteindre la prière du Fajr. Et donc celui-là, il a prié bien après, il a prié dans le temps d'interdiction. Il a prié la prière du Fajr dans le temps d'interdiction. Le prophète, il a dit donc que sa prière est valable. Et donc là, par rapport, cela concerne le Fajr. Et après, le prophète qui dit « Waman » est celui qui atteint, qui réussit à faire une unité de prière du Asr avant que le soleil ne se couche, alors il aura atteint la prière du Asr. Et donc, même chose pour le Asr. On ne va donc pas faire la distinction entre le Fajr ni l'Asr. وكذلك في جامع الترمذي عن قيس بن عمرو قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة فصليت معه ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أصلي فقال مهلا يا قيس أصلاتان معا؟ قال يا رسول الله إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر قال فلا إذن. Et donc, il y a aussi dans, donc pour répliquer à ce premier avis donc, de l'imam Abu Hanifa rahimahullah, le hadith donc de Qais ibn Amr dans le Jami' al-Tirmidhi. Qais ibn Amr qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti et donc ils ont fait l'iqama, l'appel à la prière. J'ai prié avec lui. J'ai prié avec lui et c'était la prière du Fajr. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fini sa prière et il m'a trouvé en train de prier. Il m'a trouvé donc debout là pour l'accomplissement de la prière. Il a donc dit Mahlan. Mahlan ya Qais. Doucement ya Qais. Ne te précipite pas. Es-salatani ma'ak? Ma'an, es-salatani ma'an, est-ce qu'on accomplit deux prières ensemble? C'est-à-dire deux prières obligatoires dans le temps d'une seule prière? Alors là, Qais, il a dit Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, je n'ai pas fait les deux unités de prière du Fajr. C'est-à-dire les deux unités, les deux sunnas, la sunna du Fajr. Je ne les ai pas faites avant de prier avec toi la prière obligatoire. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant Fais-la idhan. Les savants ils disent Fais-la ba'as idhan. Alors, si c'est le cas, si tu n'as pas pu prier, alors il n'y a pas de mal. Alors, il n'y a pas de mal à ce que, après la prière obligatoire, tu rattrapes la sunna que tu n'as pas pu faire avant. وقال الإمام مالك يمنع كل الصلوات أو تمنع قال الإمام مالك بمنع كل الصلوات إلا الفرائض. L'imam Malik il dit donc qu'il est interdit d'accomplir toutes les prières sauf les prières obligatoires. Sauf les prières obligatoires. Donc les prières surrogatoires, tu ne peux pas les accomplir. وذكرنا لكم حديث قيس بن عمرو fi jawaz an-nawafil. Et je viens de vous citer le hadith de Qais ibn Amr, donc qui montre qu'il est permis d'accomplir les nawafil. Qais ibn Amr qui a rattrapé la prière surrogatoire après la prière obligatoire. Bal hunaka hadithun akhar. Mais il y a encore un autre hadith. Hadith Abi Qatada fi as-sahihayn. Le hadith de Abu Qatada dans as-sahihayn, Al-Bukhari et Muslim. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. Le prophète qui dit donc comme dans Sahihain, lorsqu'un homme d'entre vous rentre à la mosquée, alors qu'il ne s'assied pas tant qu'il n'a pas accompli deux unités de prière. Et donc là, on a l'accomplissement de ces deux prières. Qui va rentrer dans ce temps en interdiction si la personne elle rentre après donc le fajr. Wa qala al-imam Ahmed bi man'i as-salawat illa al-fara'id wa rak'atay at-tawaf. Et l'imam Ahmed, il dit qu'il est interdit d'accomplir toutes les prières sauf les prières obligatoires et les deux unités du tawaf. Quand tu fais le tawaf, tu fais les sept tours. Après le tawaf, tu vas faire rak'atayn. Il dit, ces deux rak'atayn, si tu les fais après le fajr, la baisse. Tu les fais après l'asr, la baisse. Il n'y a pas de mal. Pourquoi? لِأَنَّهُ جَاءَ فِي حَدِيثِ جُبَيْرِ بْنُ مُطْعِمْ فِي جَامِعِ التِّرْمِذِي أَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافِ. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Ya bani abdi manaf la tamna'u ahadan salla tawafa bil bayti aw salla fi ayyati sa'atin min laylin aw nahar. Il dit ô bani abdi manaf, n'interdisez à personne, n'empêchez à personne qui fait le tawaf ou qui prie à quelconque moment de la journée ou de la nuit. Et donc l'imam Ahmed, il dit, les fara'id, les prières obligatoires, on peut les accomplir dans ces moments interdits, et dans ces moments interdits, et on peut aussi accomplir le tawaf, et les rak'atayn du tawaf. Voilà donc l'avis de l'imam Ahmed par rapport à ce sujet. وهذا القول أيضا يرده حديث قيس بن عمرو. Et cet avis aussi, donc, il va être rejeté par le hadith de Qais ibn Amr. Qais ibn Amr qui a rattrapé une prière surérogatoire. والقول الأخير, le dernier avis qu'on va voir ce soir, وهو قول, c'est l'avis de qui? الشافعي. C'est l'avis de l'imam الشافعي. وهو الصواب. يقول بمنع الصلوات في هذه الأوقات إلا ذوات الأسباب والفرائض فيدخل في هذا تحية المسجد والنوافل والاستخارة و. Et donc le dernier avis, l'avis de Shafi'i, qui dit donc qu'il est interdit à ces moments-là d'accomplir toutes les prières sauf les prières obligatoires et les prières surérogatoires qui sont liées à une cause. Les prières surérogatoires qui sont liées à une cause. Donc, va rentrer dans cela, tahiyatul masjid, lorsque tu rentres à la mosquée, la prière de la salutation pour la mosquée, tahiyatul masjid. Donc, on a aussi l'istikhara, la prière de l'istikhara, c'est une prière que tu fais pour une raison particulière, pour une cause particulière. El nawafil, le fait de rattraper les nawafil que tu fais d'habitude, les nawafil qui sont liés à certaines prières, 2 raka'at avant le fajr, 4 raka'at avant dhuhr, 2 raka'at après dhuhr, t'as pas pu les rattraper après dhuhr, t'as pas pu prier après dhuhr, le moment du asar il est venu, tu peux rattraper après asar, etc., etc. Et donc ce sont des prières qui sont liées à une cause. Celles-là, tu peux les faire, inshallah ta'ala. وهذا الحديث وهذا القول هو الراجح فإن به تجتمع الأدلة. Et donc ce corps, cet avis est l'avis le plus juste, car avec cet avis on rassemble toutes les preuves qui ont été citées dans ce sujet. والحديث الأخير الذي ذكره المؤلف عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله مكنت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها قال فكمنا إلى بطحاء أو إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب متفق عليه. Et donc le dernier hadith que cite l'auteur dans ce chapitre, le chapitre lié au temps de la prière. Et donc, il nous dit, donc, selon Jabir ibn Abdillah, radiallahu anhuma, que Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il est venu, donc, Yawm al-Khandaq. Donc, il est venu après que le soleil soit couché. Et il s'est mis à insulter les koufars de Quraysh. Donc, les koufars de Quraysh qui étaient venus attaquer les musulmans. Omar, donc, s'est mis à les insulter. Pourquoi? Parce que ils les ont donc empêchés d'accomplir la prière comme il se doit. Et il a dit, ô messager d'Allah, je n'ai pas prié jusqu'à ce que le soleil était sur le point de se coucher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par Allah, ô Omar, je n'ai pas prié, mais sallituha, je n'ai pas accompli la prière du Asar. Puis, donc ils se sont levés et se sont dirigés donc à Bathan, donc c'est un wadi qu'il y a à Médine, et ils se sont dirigés vers cet endroit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ses ablutions pour la prière, et il dit, nous avons donc fait nos ablutions, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rattrapé la prière du Asar après que le soleil soit couché, puis il a prié la prière du Mardod. Hadith muttafaqun alayhi. Et on a déjà vu ce hadith précédemment, on a déjà abordé les sujets qui sont liés à ce hadith, le fait notamment que lorsqu'on rattrape les prières obligatoires, il y a l'ordre à respecter. Donc, on avait cité aussi la permission de faire des invocations donc, contre l'ennemi, contre celui qui nous fait des injustices. Et donc ici, on voit Omar qui a insulté donc, le peuple, qui a insulté donc, les koufars par rapport à cela. Et on voit aussi dans ce hadith l'importance que les compagnons accordaient et le prophète sallallahu alayhi wa sallam accordait au fait d'accomplir la prière obligatoire à l'heure. Accomplir la prière obligatoire à l'heure. Et enfin, donc pour finir dans ce hadith, le fait qu'il est permis de rattraper une prière obligatoire en groupe. Si plusieurs personnes ont raté la prière obligatoire et que le temps, la prière elle est sortie de son temps, ils peuvent la rattraper en groupe, inshallah ta'ala. On va se suffire de cela et avec ce hadith, on aura donc fini le chapitre et on commence la semaine prochaine avec le nouveau chapitre. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.